m'appelle Kevin et j'ai 15 ans, je joue de la gratte depuis un an. Avec mes potes, on a décidé de devenir un groupe, un pour de vrai. On doit juste trouver un nom, un qui sonne américain. T'es bien les fucking chardons, les punk boys, les destroy machin. Un nom parfait, faut qu'on nous aime. Pourquoi pas des sources esquimo ou à coup waiting for a name. Ils font blard et ça fait charlot. Je m'appelle Kevin et j'ai 15 ans. On y dénonce la société. Les cheveux gras, les boutons d'acné. Le style sera hybride. On fera des envieux, c'est obligé. Entre Rajah, Kems The Machine et le King Elvis Presley. Les filles se jetteront sur nous. On en tombera par terre. On se fera embrasser de partout. Du bout de leur appareil dentaire. Je m'appelle Kevin et j'ai 15 ans. On y dénonce la société. Les cheveux gras, les boutons d'acné. En fait, on est des vrais rebelles. On a tous les cheveux longs. On a une mèche sur la gueule. On a des trous dans nos pantalons. Carlsberg ou Cantero, on fait des réserves pour les répètes. Amsterdam ou Fimbro, on sait pas boire mais on se la paie. Allez solo. Ah putain. Non mais hier je l'avais réussi. Putain, il y a pas de temps, putain. Non mais hier je l'avais réussi. J'ai 15 ans, j'ai un groupe d'adolescents. On y dénonce la société. Les bières, les skates, les smacks en l'air.